Exercice 7, page 26. A. Il ne faut pas crier. Transformer. On ne crie pas. B. Il ne faut pas parler. Transformer. On ne parle pas. C. Il ne faut pas discuter. Transformer. On ne discute pas. D. Il ne faut pas bavarder. Transformer. On ne bavarde pas.